boys, I'm seated on this bill of hay. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Le streaming refonctionne, très bonne nouvelle. Donc vous pouvez maintenant nous écouter sur internet si vous ne captez pas le 107. Nous sommes le jeudi 24 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux Florentins. Les dictons nous disent souvent à la Saint-Florentin, l'hiver lisse le chemin. Ou encore, pluie de la Saint-Florentin dure jusqu'au lendemain. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée des Nations Unies. C'est la journée mondiale d'information sur le développement. C'est le premier jour d'une semaine du désarmement qui commence le jour anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies. Et en Zambie, c'est la fête nationale qui commémore l'indépendance du pays vis-à-vis du Royaume-Uni. Dans les événements qui se sont déroulés un 24 octobre, en 1658, c'était la première représentation de Molière auprès de Louis XIV. 1945, entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies et 1964, indépendance de la Zambie. Et nous, on parle d'événements qui ont lieu du côté de chez nous et on parle des horaires du centre aquatique de Remiremont, 75 Faubourg du Val d'Ajol, deux plongeoires, un toboggan de 45 mètres, un espace détente avec spa et sauna. Il sera aujourd'hui ouvert de 10h à midi et de 14h à 19h20 et ce seront également les mêmes horaires demain. On écoute maintenant un message qui nous vient de la région Grand Est. Vous avez entre 15 et 29 ans, vous résidez dans le Grand Est, vous souhaitez contribuer au développement de votre région, engagez-vous au Conseil Régional des Jeunes. Lycéens, apprentis, étudiants, en recherche d'emploi ou actifs, soyez le porte-parole de votre génération en devenant l'un des 72 membres du Conseil Régional des Jeunes du Grand Est. Candidatez jusqu'au 5 novembre sur www.jeuneest.fr. Et on enchaîne avec le don du sang pour le mois d'octobre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois d'octobre 2019 dans notre département. Tout d'abord, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il faut aller donner son sang. Et voici les dates pour le mois d'octobre. Samedi 26 octobre, à la Bresse, à la salle des fêtes, située à l'adresse 12 place du Champtel, de 8h30 à midi et de 15h à 18h30. Jeudi 31 octobre 2019, à Cornimont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 24 rue 3e DIA, de 16h à 19h30. Je le rappelle une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris, et tout de suite on passe à notre première pause musicale. Si à 8h34 vous n'êtes pas tout à fait réveillé, je pense que ce titre va finir de vous réveiller. On s'écoute les Rolling Stones avec leur titre, leur tube Satisfaction. I tried. Rolling Stones sur RGM. Presque 8h38, ça fait du bien. Allez, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 24 octobre 1936, naissance de Bill Wyman, musicien britannique, membre des Rolling Stones entre 1962 et 1993. 1939, naissance de F. Murray Abraham, acteur américain, vu dans Les Hommes du Président, Scarface, Amadeus dans le rôle d'Antonio Salieri, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur, la série télé The Good Wife dans le rôle de Burl Preston, Homeland dans le rôle de Dar Adal ou encore Blue Bloods ou bien Elementary. 1943, naissance de Martin Campbell, réalisateur néo-zélandais à qui l'on doit GoldenEye, Le Masque de Zorro, La Légende de Zorro, Casino Royale, Hors de Contrôle ou encore Green Lantern. 1947, naissance de Kevin Klein, acteur américain vu dans un poisson nommé Vanda dans le rôle d'Otto, récompensé de l'Oscar du meilleur second rôle. Le Songe d'une nuit d'été, Wild Wild West, La Panthère Rose, La Belle et la Bête en 2017 dans le rôle de Maurice, le père de Belle. 1954, naissance de Doug Davidson, acteur américain connu pour son rôle de Paul Williams dans la série télé Les Feux de l'Amour. 1967, naissance de Thierry Adam, journaliste sportif français. 1973, naissance de Vincent Candela, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1992 à 2007. En jouant à Toulouse, Guingamp, Rome, au Bolton Wanderers, à Udinese Calcio, à Sienne ou encore à Messine, champion du monde 98 et champion d'Europe 2000. 1980, naissance de Monica, chanteuse américaine. 1981, naissance de Jemima Rooper, actrice anglaise, vue dans le Dahlia Noir dans le rôle de Lorna Mertz ou encore la série télé Atlantis dans le rôle de Méduse. 1985, naissance de Lionel Boxis, joueur de rugby français professionnel depuis 2003, ayant joué à la section paloise, au Stade français, au Stade toulousain, à l'Union Bordeaux-Bègles, à Lyon, et depuis cette année, il joue pour l'Oyonnax Rugby. C'est également l'année de naissance de Pablo Mira, humoriste français, cofondateur du Gorafi et qui fait partie de l'équipe de Quotidien depuis septembre 2018. C'est aussi l'année de naissance de Tim Pocock, acteur australien connu pour son rôle de Scott Summers dans X-Men Origins Wolverine et son rôle d'Ethan Karamakoff dans la série Dance Academy. Et c'est aussi l'année de naissance de Wayne Rooney, footballeur anglais, qui de 2002 à 2004 a joué à Everton, de 2004 à 2017 à Manchester United, de 2017 à 2018 à Everton. En 2018, il a joué pour le DC United. En août 2019, il a signé comme joueur-entraîneur avec le club de Derby County, contrat qui débutera en janvier 2020. À noter qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection d'Angleterre. 1986, naissance de Drake, rappeur et acteur canadien, vu dans la série télé Degrassi, La Nouvelle Génération, dans le rôle de Jimmy Brooks. Et on va tout de suite s'écouter un titre qu'il a fait en featuring avec Rihanna, intitulé Take Care. Same, what's a life with no fun? Please don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours. We both know, we know. They won't get you like I will. My only wish is I die real, 'cause that truth hurts and those lies heal. And you can't sleep thinking that he lies still, so you cry still, tears all in a pillowcase. Big girls all get a little taste, pushing me away so I give her space, dealing with a heart that I didn't break. I'll be there for you, I will care for you. I keep thinking you just don't know. Trying to run from that, say you're done with that. On your face, girl, it just don't show. When you're ready, just say you're ready. When all the baggage just ain't as heavy and the party's over, just don't forget me. We'll change the pace and we'll just go slow. You won't ever have to worry. You won't ever have to hide. Seen all my mistakes, so look me in my eyes. 'Cause if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. Voilà. Voilà pour l'extrait de Drake. On continue. 1989, naissance de Shanae Grimes, actrice canadienne. Vue dans Scream 4, la série télé de Gracie, La Nouvelle Génération, dans le rôle de Darcy Edwards, et Beverly Hills, Nouvelle Génération, dans le rôle d'Annie Wilson. À noter qu'en 996, décédé Hugh Capet, roi des Francs de 987 à 996. En 1944, décédé Louis Renault, industriel français, fondateur de l'empire industriel qui porte son nom, ce qui en fait d'ailleurs un pionnier de l'industrie automobile française. En 1957, décédé Christian Dior, célèbre couturier français. En 1994, décédé Raoul Julia, acteur portoricain connu pour avoir incarné Gomez Adams au cinéma dans La Famille Adams et Les Valeurs de la Famille Adams. Et en 2017, décédé Fats Domino, chanteur blues qu'on écoutera en fin d'émission. Mais tout de suite, on s'écoute Monica et Brandy sur le titre The Boy Is Mine. He belongs to me, the boy is mine. The Boy Is Mine, Brandy et Monica sur le 107 FM, presque 8h48, on fait un point météo. La météo. Alors, il fait beau ce matin, enfin en tout cas à Saint-Étienne-lès-Miremont, on a un beau ciel bleu avec quand même un petit peu de nuages. Ça va être comme ça toute la journée avec peut-être un peu de pluie par moment. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 16 et 18 degrés pour cet après-midi. Vendredi, soleil et nuages, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 14 et 16 degrés prévues pour demain après-midi. Samedi devrait être une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec du football et la Ligue des Champions et la mauvaise opération de Lyon qui s'est inclinée au Benfica sur le score de 2-1. Lille, sauvée par Ikoné, a décroché le match nul face à Valence, un but partout. Chelsea a réussi à s'imposer à l'Ajax d'Amsterdam sur le score d'un but à 0. Et le FC Barcelone s'est imposé au Slavia Prague sur le score de 2-1. Ce soir, c'est l'Europa League avec Saint-Etienne qui reçoit le club d'Alexandria et Rennes qui reçoit le club de Clours. A noter que Lucas Hernandez, sorti sur blessure, je vous le rappelle, souffre d'une rupture partielle du ligament interne de la cheville droite. Il va devoir être opéré, il sera absent plusieurs mois. Un mot de basket avec la reprise de la NBA et ça c'est plutôt pas trop mal passé pour nos Français. On commence avec l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum qui s'est imposée d'un petit point 126 à 125 face aux Chicago Bulls. 4 rebonds et 2 assistances pour le Français. L'équipe de Détroit de Sekou Doumbaya s'est imposée face à Indiana, mais à noter que le Français est absent pour le moment et il souffre d'une commotion cérébrale. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 16 points s'est imposée 94 à 85 face à Cleveland. L'équipe de Boston de Vincent Poirier, qui n'a malheureusement pas joué, s'est inclinée face à l'équipe de Philadelphie, 107 à 93. L'équipe de Washington de Miami, absent suite à une blessure au tendon d'Achille, s'est inclinée face à l'équipe de Dallas. L'équipe de Tilikina, les New York Knicks, se sont inclinés face aux Spurs de San Antonio, 120 à 111. Aucun point pour le Français. L'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé face à Oklahoma 100 à 95, 7 points et 14 rebonds pour le Français. Et enfin, on termine avec l'équipe des Suns de Phoenix, d'Eli Okobo, dont c'était l'anniversaire hier. Il s'est offert un beau cadeau avec la première victoire de la saison face à Sacramento, 124 à 95, 3 points pour le Français. On continue avec du tennis à Vienne, à noter l'élimination de Manarino en 2-7 face à Sam Querrey. 6-3, 6-4, la qualification de Monfils en 3-7 face au joueur Novak, 2-6, 7-5, 6-3. Monfils affrontera aujourd'hui Sinner et Gilles Simon se reposait à Bédéné. Et au tournoi de Bâle, aujourd'hui, Richard Gasquet affrontera Bautista Agut. Et on termine en parlant du Masters 1000 de Paris-Bercy qui arrive à grands pas. 3 Français ont reçu une wildcard. Il s'agit de Joe Wilfried Tsonga, Hugo Humbert et Adrian Manarino. Ils n'auront donc pas besoin de passer par les qualifications. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Fats Domino et le titre Blueberry Hill. Found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. The wind in the wind.